Les allergènes insecticides sont conscients de l'évolution politique actuelle. Écoutons d'ailleurs leur analyse de la situation. Ça, c'est clair que l'extrême droite, aujourd'hui en France, connaît une progression qui n'est pas sage de négliger. C'est ouais, le produit qui marche le mieux. C'est une très bonne réussite marketing, ouais, je trouve. Hein. Ça, il faut bien le dire. Ils communiquent très très bien. Ah, oui. Surtout, vous avez vu le nombre de fois on les voit à la télévision. C'est un plaisir de voir une communication qui fonctionne aussi bien. Oui, oui, oui. C'est sûr, c'est sûr. C'est... Et de toute façon, en plus, en qualité de groupe. On ne peut pas négliger 20% de la population. Non, c'est vrai. Et donc 20% de nos auditeurs et acheteurs, surtout. Bien sûr. Vous vous rendez compte si on passait... Encore que peut-être on s'éloigne un petit peu de notre cœur de cible, mais enfin, il faut voir. Faut voir. Moi, je dis qu'on ne peut pas courir le risque de ne pas plaire au Front National et à Philippe Villiers, qui représente la vraie extrême droite. Et on pourrait même faire des podiums dans les réunions et tout. Hein. Ah oui, chauffer la salle. Bon, on y va à fond, je crois qu'on est d'accord. Bon, ok. Allez.